troisième volet de notre série consacrée au nord de la France et à son histoire, aujourd'hui le 19e siècle dans cette région. Lundi, nous vous avons parlé de l'image la plus connue de ce nord de la France, à savoir l'industrie, les mines et le textile et la culture ouvrière. Mardi, hier, notre documentaire signé Victor Massé-Lépinet et Anne Fleury portait sur une figure très intéressante et très passionnante même de ce nord de la France, à savoir Mamadou Ndiaye, qui a longtemps vécu dans la ville de Roubaix. Il y a été à la fois boxeur, mais également chiropracteur, et nous avons raconté son histoire dans le documentaire d'hier que je vous engage à réécouter. Et aujourd'hui, eh bien, avec Victor Massé-Lépinet qui a préparé toute cette semaine avec nous, et Jean-François Condette et Benoît Miaille qui sont nos deux invités, nous aborderons le 19e siècle dans cette région, un siècle de transformation économique et sociale pendant lequel la question de l'identité régionale a été profondément débattue. Nous le ferons dans cette émission d'archives du mercredi grâce aux textes qui seront lus pour nous par Daniel Königsberg et qui seront commentés par Jean-François Condette. Il est professeur d'histoire contemporaine à la Commu Lille Nord de France au laboratoire Cress, et il est spécialiste des questions d'enseignement et d'occupation militaire au XXe siècle dans le Nord. Ce sont deux sujets, vous l'avez compris, très différents l'un et l'autre. Et Benoît Mia, il est également avec nous. Il est docteur en histoire et collaborateur scientifique à l'Université de Bruxelles, de là où il se trouve, grâce au studio de la RTBF qui l'accueille. Ni subtil, ni stérile à coup sûr, ni le génie de notre bonne et forte Flandre, mais bien positif et réel, bien solidement fondé. Solidis fundatum ossibus intus. Sur ces grasses et plantureuses campagnes, uniformément riches d'engrais, de canaux, d'exubérantes et grossières végétations, herbes, hommes et animaux poussent à l'envi, grossissent à plaisir. Le bœuf et le cheval y gonflent à jouer l'éléphant. La femme vaut un homme, et souvent mieux. Race pourtant un peu molle dans sa grosseur, plus forte que robuste, mais d'une force musculaire immense. Nos Hercules de foire sont venus souvent du département du Nord. Mœurs peu édifiantes, sensuelles et grossières. Et plus on avance au Nord dans cette grasse Flandre, sous cette douce et humide atmosphère, plus la contrée s'amollit, plus la sensualité domine, plus la nature devient puissante. L'histoire, le récit ne suffisent plus à satisfaire le besoin de la réalité, l'exigence des sens. Les arts du dessin viennent au secours. La sculpture commence en France, même avec le fameux disciple de Michel-Ange, Jean de Boulogne. L'architecture aussi prend l'essor, non plus la sobre et sévère architecture normande, aiguisée en ogive et se dressant au ciel comme un ver de corneille, mais une architecture riche et pleine en ses formes. L'ogive s'assouplit en courbe molle, en arrondissement voluptueux. La courbe tantôt s'affaisse et s'avachit, tantôt se boursoufle, et tantôt ventre, ronde et onduleuse dans tous ses ornements. La charmante tour d'Anvers s'élève doucement étagée comme une gigantesque corbeille tressée des joncs de Lescaut. Par-dessus ses églises, au sommet de ses tours, sonne l'uniforme et savant carillon, l'honneur et la joie de la commune flamande. Le même air, joué d'heure en heure pendant des siècles, a suffi au besoin musical de je ne sais combien de générations d'artisans qui naissaient et mouraient fixé sur l'établi. Ces frontières des races et des langues européennes est un grand théâtre des victoires de la vie et de la mort. Les hommes poussent vite, multiplient à étouffer, puis les batailles y pourvoient. Là se combat à jamais la grande bataille des peuples et des races. Ces batailles du monde qui eut lieu, dit-on, aux funérailles d'Attila. Elles se renouvellent incessamment en Belgique, entre la France, l'Angleterre et l'Allemagne, entre les Celtes et les Germains. C'est là le coin de l'Europe, le rendez-vous des guerres. Voilà pourquoi elles sont si grasses, ces plaines. Le sang n'a pas le temps d'y sécher. Lutte terrible et variée. À nous les batailles de Bouvines, Rosbeck, Lens. Steinkerke, Denain, Fontenoy, Fleurus, Chemap. À eux, celle des éperons, le Courtrai. Faut-il nommer Waterloo ? Voilà pour ce premier texte de cette émission d'archives du mercredi autour du Nord et de son identité régionale au XIXe siècle, en particulier un texte signé Jules Michelet dans son tableau de la France de 1833. Bonjour Victor Massette d'Épinay. Bonjour Emmanuel. Bonjour à vous Benoît Mihail, vous êtes à Duplex avec nous depuis Bruxelles. Bonjour. Et bonjour à vous Jean-François Condette. Bonjour. Vous êtes avec nous en studio à Paris. Alors ce texte, il fait partie d'un large corpus de textes que vous avez pu analyser, Jean-François Condette, du 19e siècle, qui sont des textes souvent de Parisiens se rendant, ou ne se rendant pas d'ailleurs, dans ce Nord qu'ils décrivent, mais dressant le portrait de cette région, en dressant les contours également, les particularités. Et d'une certaine façon, ce texte de Michelet, on peut dire, il est aussi à l'origine de plein de textes qui seront repris ensuite, de pensées qui seront reprises ensuite sur le Nord. Cet esprit un peu lourd et grossier, dit-il, cette pluie qui tombe sur des plaines grasses qui ont été donc arrosées par le sang des batailles, etc., etc. Jean-François Condette. Oui, en effet, nous sommes là dans une sorte de mélange entre quelque part réalité ethnographique, réalité culturelle et aussi stéréotype, c'est-à-dire qu'il y a une fabrique quelque part de l'image d'un territoire autour d'une part de réalité et puis également d'une part de choses qui sont revues et corrigées. Donc Michelet, bien évidemment, ne connaît pas plus que ça le Nord, mais il s'inspire d'un certain nombre de choses qui sont des réalités. Bon, là, on vient de voir, par exemple, le Nord, terre de frontières, coupures, coutures entre les territoires européens. Alors c'est évident que c'est une réalité. Bon, depuis l'époque de la guerre de Cent Ans, les territoires bourguignons, les Pays-Bas espagnols, puis les conquêtes de Louis XIV, le Nord est terre d'histoire, est terre de rencontre, est terre de bataille. Donc à ce niveau-là, il voit tout à fait juste. Et après, avec l'emphase de Michelet, bien évidemment, ça devient le sang qui nourrit la terre quelque part. Il y a aussi des choses vraies quelque part le folklore, sur l'importance de la fête qu'on retrouve aussi chez lui. Et il insiste aussi quand même pas mal sur l'importance des arts. Oui. Donc c'est à la fois un peuple quelque part décrit comme ruste, grossier, un peu comme son climat. Hein, c'est un peu ce lien qui est fait immédiatement. Mais dans le même temps, c'est un peuple amoureux des arts, c'est un peuple amoureux de la sculpture, c'est un peuple amoureux de la littérature. Alors ce 19e siècle, Benoît Mihail, il ne faut pas oublier que c'est aussi le siècle d'un certain romantisme et que ces années 1830, pendant lesquelles écrit justement Jules Michelet, il écrit ce tableau de la France, eh bien ce sont les années qui sont marquées en France par le romantisme, et tout autant dans cette région du nord de la France, avec un certain romantisme flamand de France que vous décrivez dans un de vos articles, Benoît Mihail. Oui, tout à fait. Pour compléter ce qui vient d'être dit, je pense que ce qui est aussi particulier pour le Nord, c'est c'est une région qui est en pleine industrialisation, et en même temps, elle a effectivement un passé riche et complexe qui est lié aux Flandres. Alors d'une part, les Flandres, ça c'est à cheval sur une autre nation qui à l'époque est en pleine construction et redouble d'efforts pour affirmer un petit peu une identité belge qui est en grande partie calquée sur la Flandre. 1830, c'est le royaume de Belgique. Pardon ? 1830, c'est la création du royaume de Belgique, justement. Voilà, tout à fait. Et d'autre part, il y a ce mélange donc entre le Nord industriel et cet héritage culturel dont finalement il ne reste plus grand-chose, où le Nord n'a pas tellement. Donc en fait, dans l'historiographie romantique, quand on parle des Flandres, on parle quand même en grande partie de la Flandre belge. Beaucoup d'auteurs parisiens, bon, je pense à Victor Hugo, mais enfin, il y en a beaucoup d'autres, vont en Belgique, décrivent les Flandres, mais ne s'intéressent pas vraiment au Nord. Mm-hmm. Et dans le Nord même, on a tendance quand même à regarder fort de l'autre côté de la frontière. Mais petit à petit, surtout dans le milieu de l'érudition savante, donc des sociétés d'amateurs, on va quand même petit à petit essayer d'étudier ce qui leur est propre, donc l'héritage flamand de France, qui finalement est une création, vu que historiquement, les Flandres ne sont pas distinctes jusqu'au XVIIe siècle. Bien sûr, et on en parlera dans l'émission de demain, mais il faut aussi rappeler à nos auditeurs que l'image que nous avons aujourd'hui d'une région appauvrie après la fin de la sidérurgie, après la fin des mines, la fermeture des mines, ça n'est pas du tout l'image qu'ont les contemporains du XIXe siècle de cette région. Cette région, c'est une région grasse, une région riche, riche de ces terres, et pas simplement des terres à betteraves, mais également de ces terres qui produisent beaucoup et qui sont donc l'emblème d'une région aussi très commerçante. Il faut imaginer qu'avant l'industrialisation, avant la révolution industrielle, cette région du Nord est représentée comme cela dans l'esprit de tous ses contemporains. Benoît Mihail. Oui, ben j'ajouterais aussi qu'il faut rappeler la dichotomie qu'il y a dans le Nord entre le Nord agricole, donc les arrondissements de Dunkerque, d'Hazebrouck, qui sont la vraie Flandre de langue d'expression flamande, très rurale, et le Nord industriel, donc l'île Roubaix, Tourcoing et autour. Donc c'est une région où il y a beaucoup de villes, donc toutes ces villes, aussi Douai, Cambrai, Dunkerque, ont un passé riche et une culture riche, donc il y a toujours eu un milieu savant, il y a eu une littérature, il y a un milieu bourgeois, de bourgeois de ville. Voilà, exactement, comme dans toutes les Flandres, comme dans les Flandres belges, mais avec un destin différent, vu que avec l'intégration au Royaume de France, on tend quand même à quelque part à un peu limiter les particularismes, et ils vont en souffrir longtemps. Et le mouvement romantique va permettre d'un petit peu réveiller ce particularisme. Mm-hmm. Victor Massé de l'Épinay. Maintenant. Oui, pardon, allez-y, continuez, excusez-moi. J'allais juste ajouter, mais peut-être on en parlera, il y a aussi, indépendamment de l'identité propre de la Flandre, il y a aussi le côté la France du Sud, la France du Nord, oui. Et le romantisme joue aussi là-dessus. L'identité française est une identité complexe qui mélange des parties, on va dire, méridionales et des parties septentrionales, bien et sûr. À ce titre, le Nord joue aussi un rôle comme la Normandie. Alors justement, j'allais vous demander un peu ce terme de Nord, quand est-ce qu'il a commencé à apparaître, puisqu'on parle d'abord de Flandre. Le mot Flandre a une validité qui dure tout au long du 19e, sans doute aujourd'hui encore, Flandre française. À un moment, le terme de Nord apparaît, puis ces deux termes sont concomitants, ils ne recouvrent pas tout à fait le même espace géographique, tout simplement. Jean-François Condette, est-ce que vous pouvez nous donner un peu de précision, qu'est-ce que c'est le Nord, qu'est-ce que c'est la Flandre française ? C'est extrêmement compliqué comme définition, hein, si on se place au niveau du 19e siècle, parce que le Nord, en réalité, quand on regarde bien, c'est déjà administrativement deux départements, c'est le Nord et le Pas-de-Calais, à partir de dans la définition, je dirais, quelque part géographique et administrative. Et c'est aussi à l'intérieur de ces deux départements, le collègue vient de le rappeler, un certain nombre de territoires qui sont extrêmement diversifiés, extrêmement variés, entre l'Artois, qui est un territoire rattaché à quelque part à la couronne de France depuis très longtemps, et puis d'autres le Valenciennois, ou ensuite le bassin minier qui va s'isoler d'une certaine façon par son industrie et son économie, la zone rurale de Saint-Paul et de Saint-Omer, le Boulonnais, il y a réellement il y a des Nords. Bon, et le terme est fortement utilisé au 19e siècle, mais on met derrière un petit peu ce qu'on veut. Enfin, il y a des définitions extrêmement évolutives de ce qu'est le Nord, les Nords, et c'est la même chose au niveau des activités. Vous le signaliez tout à l'heure, entre le Nord industriel, sidérurgique, ou le Nord textile maritime, de l'île, maritime, la pêche, sont Boulogne. Des Nords différents. C'est même pas le plat pays, de toute façon. Mmh. Et peut-être même aussi que le Nord excède le Nord, ou excède ces deux départements du Nord, y compris en France, puisque on parlera sans doute de la culture ch'ti, ou de la langue ch'ti, qui est en fait la langue picarde. Et c'est le Nord, c'est aussi le sud du Nord, c'est-à-dire la Picardie. Et la région actuelle des Hauts-de-France, quelque part, bon, on ne va pas discuter les limites, mais la Somme, pendant très longtemps, au niveau éducatif par exemple, était dans l'Académie de Lille, et il y a un territoire qui est... Il y a des points extrêmement communs. D'ailleurs, sur ce point, Benoît Mihail, sur cette intitulé, pourrait-on dire, du Nord, tel qu'il a été utilisé par les érudits du 19e siècle, est-ce qu'ils sont réticents à cet intitulé, ou est-ce qu'ils l'acceptent au bout du compte, ou est-ce qu'ils lui préfèrent d'autres façons d'appeler cette région composite telle qu'elle vient d'être décrite par Jean-François Condette? Bah, sur base de tout ce que j'ai vu, c'est absolument pas le cas. Directement, la notion de Nord, dès le moment que le département est créé, est acceptée pratiquement par tout le monde et revendiquée. Et bon, du coup, effectivement, on construit un Nord qui est un petit peu imaginaire. Mm-hmm. Une commission historique du département du Nord est créée en 1839. Donc, je dirais que le seul volet, peut-être, qui dépasse le Nord, c'est un petit peu l'héritage royaliste qui lui a tendance à plutôt revenir sur les provinces, tous les privilèges perdus, parce que dans tout ce milieu de province, il y a quand même aussi il y a une aristocratie assez forte dans le Nord, et en tout cas au début, pour la période romantique qui nous concerne, il y a une certaine nostalgie qu'on retrouve chez Balzac, pas chez lui, mais qu'il décrit. Mais voilà, quand on ne parle pas de Nord, alors on parle de la France royaliste. Mm-hmm. Donc on est vraiment dans une optique assez centralisatrice, et les dissonances ne commencent pas à apparaître avant quand même vraiment loin dans le 19e siècle, parce que même le comité flamand de France, créé au milieu du 19e siècle, 1851. Par Edmond de Coussemaker, qui est un petit peu un Grimm français du Nord, même eux n'ont jamais remis en cause ces frontières créées à la Révolution. Et Balzac évoque, dans La recherche de l'absolu, dans cette première moitié du 19e siècle, il évoque évidemment le caractère flamand, un texte lu par Daniel Königsberg. Le caractère flamand est dans ces deux mots, patience et conscience, qui semblent exclure les riches nuances de la poésie et rendre les mœurs de ce pays aussi plates que le son, ses larges plaines aussi froides que l'est son ciel brumeux. Néanmoins, il n'en est rien. La civilisation a déployé là son pouvoir en y modifiant tout, même les effets du climat. Si l'on observe avec attention les produits des divers pays du globe, on est tout d'abord surpris de voir les couleurs grises et fauves spécialement affectées aux productions des zones tempérées, tandis que les couleurs les plus éclatantes distinguent celles des pays chauds. Les mœurs doivent nécessairement se conformer à cette loi de la nature. Les Flandres, qui jadis étaient essentiellement brunes et vouées à des teintes unies, ont trouvé les moyens de jeter de l'éclat dans leur atmosphère fuligineuse, par les vicissitudes politiques qui les ont successivement soumises aux Bourguignons, aux Espagnols, aux Français, et qui les ont fait fraterniser avec les Allemands et les Hollandais. De l'Espagne, elles ont gardé le luxe des écarlates, les satins brillants, les tapisseries à effets vigoureux, les plumes, les mandolines et les formes courtoises. De Venise, elles ont eu, en échange de leurs toiles et de leurs dentelles, cette verrerie fantastique où le vin reluit et semble meilleur. De l'Autriche, elles ont conservé cette pesante diplomatie qui, suivant un dicton populaire, fait trois pas dans un boisseau. Le commerce avec les Indes y a versé les inventions grotesques de la Chine et les merveilles du Japon. Cependant, malgré leur patience à tout ramasser, à ne rien rendre, à tout supporter, les Flandres ne pouvaient guère être considérées que comme le grand magasin général de l'Europe, jusqu'au moment où la découverte du tabac souda par la fumée les traits épars de leur physionomie nationale. Dès lors, en dépit des morcellements de son territoire, le peuple flamand exista de par la pipe et la bière. France Culture, la fabrique de l'histoire, Emmanuel Laurentin. Alors avec ce texte de Balzac, La recherche de l'absolu, dans notre émission d'aujourd'hui consacrée à l'histoire du Nord au XIXe siècle et à la création d'une identité régionale du Nord, Benoît Miail, il ne va pas avec le dos de la cuillère en l'occurrence, parce que c'est vraiment un texte qui nous dit effectivement ce qu'est ou censé être le peuple flamand, et ce réceptacle du monde entier et ce magasin général de l'Europe, ça fait partie aussi des idées générales, parce que souvent, on a insisté sur ces places commerçantes qu'avaient été depuis le Moyen-Âge les places commerçantes du nord de l'Europe et en particulier de cette région du nord de la France. Oui, comme vous le dites, ça fait partie plutôt d'une image nationale, parce que je ne pense pas que le roman ait été tellement lu, en tout cas tellement commenté dans le milieu savant du nord au 19e. On a aussi pu dire que Balzac ne connaissait pas vraiment le nord, qu'il a été conseillé par Marceline de Borde-Valmore pour se documenter. Ça n'en demeure pas moins un texte important Notamment, enfin là, l'extrait qui est très beau ne touche pas, mais il y a des passages sur l'architecture. Balzac aime beaucoup l'architecture, dont il voit vraiment une métaphore de la société. Mais il reprend vraiment certains clichés, mais qui sont, c'est encore plus fort chez un Victor Hugo, hein, donc, la vision des Flandres ou du Nord, de l'extérieur, est assez effectivement un peu caricatural. Maintenant, bon, elle est aussi alimentée par certains eux-mêmes, parce que le monde industriel dans le Nord, surtout plus le 19e siècle arrive, plus les patrons vont eux-mêmes quand même un petit peu commencer à s'intéresser à leur histoire, leur patrimoine, et mettre en avant le passé commerçant, commercial, le côté industriel, va être très très important et va jouer notamment un rôle important après la Première Guerre mondiale, quand le Nord, complètement détruit, doit être reconstruit et a besoin d'investissements considérables. Oui, il faut dire, Jean-François Congret, qu'une identité régionale ou une identité nationale se crée par les citoyens de cette région, bien évidemment, mais aussi par le regard que les autres portent sur eux, qu'ils acceptent ou qu'ils refusent d'une certaine façon. Et ces descriptions que font les grands écrivains français du 19e siècle de ce qu'est ou censé être ce Nord va forcément être repris à leur compte par des écrivains régionaux ou régionalistes, mais aussi parfois contestés, Jean-François Condé. Oui, tout à fait. Donc c'est ces écrits nationaux de personnes très connues qui, quelque part, qui ne connaissent pas forcément le territoire septentrional, sont parfois contestés ou repris. En particulier, moi, je pense à mes universitaires que j'ai beaucoup étudiés. Vous avez travaillé sur les milieux de l'enseignement et en particulier ces universitaires qui viennent à l'université de Lille. Qui viennent à l'université de Lille. Donc, ils viennent de toute la France et ils viennent en particulier de Paris par l'École normale supérieure, en particulier au 19e siècle. Et assez souvent, d'ailleurs, dans les premiers écrits, ils reprennent ces clichés qui sont ceux qui sont là depuis le début du 19e siècle. Achille Duchère, la Flandre est l'entrepôt du commerce universel. Voilà. Et progressivement, dans leurs travaux, quand ils s'enracinent un petit peu un certain temps dans l'académie et dans les facultés lilloises, ils vont souvent corriger un petit peu le tir sur ces caractéristiques du Nord. Ils vont faire des travaux complémentaires avec leurs étudiants qui montrent justement parfois décalage entre stéréotypes et réalité, même s'il y a toujours des liens entre les deux. Victor Massé de l'Épinay. Alors pour ces constructions qui viennent de l'extérieur, on voit comment ça se fait avec Balzac, Hugo ou les universitaires. Pour ce qui est de la conscience interne des gens du Nord, il y a quand même une question qui est au centre, c'est celle du bilinguisme, puisque justement il y a un Nord flamingant ou un Nord qui parle flamand et un Nord qui parle le picard, c'est-à-dire la langue franque. Est-ce que ça c'est quelque chose qu'on a voulu rassembler un peu à marche forcée de l'extérieur, ou est-ce que de l'intérieur c'est une frontière qui a été acceptée, assumée? Jean-François Condet et puis il y aurait vraiment beaucoup de choses à dire à ce niveau-là. Si je me place par exemple au niveau de l'école primaire, qui est vraiment le lieu où on doit apprendre normalement français au 19e siècle, puisque toutes les circulaires ministérielles insistent sur la nécessité pour les maîtres et les maîtresses de parler en français, systématiquement d'apprendre le français, on se rend compte que encore en plein milieu du 19e siècle, dans certains endroits, en particulier sur Dunkerque, sur Hasbrouck, etc., que les inspecteurs primaires découvrent des situations qui sont compliquées. Donc, j'avais, par exemple, un rapport, là, de 1852-1853. J'ai découvert quelques écoles où la maîtresse ne sait, rigoureusement parlant, pas un seul mot de français. Signalé à l'autorité, les unes ont été fermées par jugement, les autres ont échappé à l'action de la justice en dissimulant leur situation réelle. Il en est un grand nombre dont l'existence même échappe, protégées qu'elles sont par les autorités locales. Alors ça, c'est l'interdiction, disons, relativement classique que l'on a en tête lorsqu'on évoque l'école républicaine, et en particulier à partir de la Troisième République du 19e siècle. Mais on sait très bien, après les travaux de Jean-François Chalet et ceux d'Anne-Marie Thiès, qu'il y a des négociations potentielles au niveau le plus local, et en particulier qu'il y a ce qu'on appelle les petites patries, que l'on va finir par exalter. Et c'est le cas aussi pour les petites patries du Nord sur lesquelles vous avez travaillé, Jean-François. On retrouve également ce discours qu'a beaucoup développé Jean-François Chanet dans l'école républicaine et les petites patries, c'est-à-dire qu'il y a une sorte de double appartenance quelque part de ces enseignants et de ces enseignantes, et il faut dans ce pays flamingant quelque part, on admet quelque part, je dirais c'est le principe de réalité, on admet que les instituteurs et les institutrices puissent utiliser, je dirais, la langue locale pour apprendre le français. C'est le même principe qu'en Bretagne, ça a été prouvé par d'autres travaux. Ce n'est pas le génocide culturel qu'on a parfois développé dans certains travaux anciens. Et Jean-François Chanet montrait bien ces éléments-là. On s'appuie sur la culture locale, sur les héros locaux, sur les spécificités locales, c'est la petite patrie qui s'intègre dans la grande. Oui, c'est ce qui est extrêmement intéressant. Oui, et c'est assez loin, dites-vous, Benoît Mihail, dans un de vos articles sur le mouvement flamand de France, de ce qu'on a voulu dire plus tard, c'est-à-dire à partir de cette lettre d'Alexandre Bonvarlet à Guido Gesell, la génération qui nous suivra, oublieuse de nos ancêtres, acceptera sans protestation la langue étrangère qui s'est implantée sur notre sol. Et vous vous attachez à démontrer, en l'occurrence vous-même, Benoît Mihail, qu'il y a là cohabitation, acceptation de la langue française et en même temps pratique de la langue flamande pour les flamingants, par exemple. C'est-à-dire que moi qui ai surtout étudié vraiment le passé flamand, ce qu'il en reste, la langue flamande, elle n'apparaît assez peu dans la mesure où finalement, il faut le dire, la langue flamande c'est la langue du peuple, c'est la langue des paysans Bien de sûr. La Flandre maritime, c'est pas la langue de l'élite, ça n'a probablement jamais été, même au Moyen-Âge, de toute façon le comte de Flandre il parle en français, mais là, l'autre chose c'est quand même, il y a aussi une assez grande différence dans l'historiographie entre ce qu'on le dit en France et ce que les Belges ou certains Hollandais ont écrit ou continuent d'écrire, donc c'est vrai que ça reste un sujet un peu sensible, la langue flamande. Je pense que c'est aussi lié au fait que, bon, n'oublions pas, en fait, vous avez le néerlandais, qui est la langue parlée par les Hollandais, défendue par l'Académie en Hollande, et qui est enseignée dans les écoles en Belgique, mais en réalité, le flamand, il y a de nombreux flamands, le flamand d'un endroit n'est pas le flamand de l'autre, et dans le Westhoek, donc dans la partie vraiment la plus flamande de la Flandre française, c'est un flamand qui est considéré, qui a toujours été considéré comme le plus pur, le plus proche de ce qu'il a pu être au Moyen-Âge. Donc il a toujours beaucoup intéressé certains érudits comme Guido Gesell que vous citez, d'autres moins fréquentables au moment de la Deuxième Guerre mondiale, un peu avant. Comme Gantois. Et donc évidemment, oui, voilà, Gantois, enfin Gantois est un Français, mais voilà, d'autres Belges peu fréquentables sont beaucoup intéressés aux flamands de France à cause de cette pureté et ont un petit peu regretté cette disparition. Maintenant, voilà, c'est le vaste débat. Est-ce que les langues en France, de façon plus générale, est-ce qu'elles ont disparu parce qu'on les a combattues ou est-ce qu'elles ont disparu parce que ceux qui la parlaient se rendraient compte de plus en plus qu'ils n'en avaient pas besoin et que le français leur ouvrait davantage de portes? Un extrait de Légendes et traditions surnaturelles des Flandres de 1862, signé Berthoud, lu par Daniel Königsberg. Sous le chaud climat de l'Espagne, les paysans chantent de joyeuses séguédillas, expression de l'indolence voluptueuse qu'enfante un sol doux et fécond. En Italie, un ciel d'azur, une nature enchanteresse inspire des canzonettes amoureuses et tendres. Mais dans la Flandre, tout ce qui nous entoure est grave, monotone, d'un austère aspect. L'œil ne voit dans la campagne que des marais, des vallées et des champs riches de culture, mais fort peu pittoresques. La terre n'y cède ses fruits qu'à de persévérants labeurs. Pour faire impression sur des organes endurcis par la fatigue, pour intéresser des hommes habitués à ne voir que des scènes sévères, il faut des récits d'un merveilleux sinistre et qui deviennent en quelque sorte vraisemblables en se rattachant à des objets et à des lieux connus. Il faut des récits où la terreur soit portée au comble et qui laisse dans le souvenir une profonde impression. On les redit le soir à la veillée, et au moment où l'intérêt est devenu le plus vif, les rouées défileuses s'arrêtent, le cercle se resserre en silence, et l'on n'entend plus que la voix cassée et basse du conteur, tandis que les regards de ceux qui l'écoutent se portent avec effroi derrière eux, comme si les mauvais esprits dont on parle, évoqués par ces récits nocturnes, étaient là, debout, leur terrible fourche à la main. Voilà pour cet extrait de Légendes et traditions surnaturelles des Flandres. Mais tout compte fait, si on ne savait pas que c'était des Flandres dont on parlait en ce milieu du 19e siècle, on aurait pu penser que ça pouvait être le Berry de George Sand ou d'autres régions décrites par ces folkloristes du 19e siècle, Benoît Mihail. Oui, tout à fait. Si je puis me permettre, juste pour revenir à un élément important que j'ai oublié de préciser, c'est l'immigration de flamands de Belgique par rapport à la langue, qui a tendance à beaucoup perturber le débat, parce qu'évidemment, eux viennent avec flamand et donc il, voilà, il déséquilibre un petit peu la situation maintenant. C'est voilà. Parce qu'il faut rappeler, on le disait lundi, il faut rappeler effectivement que dans cette industrialisation du nord de la France et en particulier dans cette industrie textile qui se développe de façon considérable à partir du milieu du 19e siècle dans le nord de la France, mais aussi l'industrie minière, eh bien ce sont les premiers immigrés, ce sont d'abord des flamands bien avant les polonais ou les nord-africains du 20e siècle en l'occurrence, Benoît Mihail, c'est ça. Voilà, c'est ça. Et bon, dans une ville comme Roubaix, vous avez à un moment une majorité de population belge. Donc il y a vraiment une présence très très forte et ces gens sont encadrés voilà par des curés locaux qui leur donnent la messe en flamand. Donc là on a un peu une histoire parallèle plus populaire que dans la mesure où voilà ces populations ne se préoccupent pas du passé flamand, ils ont juste leur identité qui va évoluer parce que ces gens vont tous, absolument tous, finir par être complètement intégrés et francisés. Maintenant, est-ce un bien, est-ce un mal? Bon, là, c'est pas à moi de juger. Pour revenir donc sur les folkloristes, c'est vrai qu'effectivement, il y a un mouvement, mais là, je pense que ça rejoint un petit peu ce que je disais au départ, le milieu, enfin, royaliste, c'est peut-être un peu beaucoup dire, mais la catholique, contre-révolutionnaire, voilà. Après la Révolution, il y a quand même une lame de retour, enfin un mouvement de retour où on regrette un petit peu, on fait un peu le bilan et il y a toute une série d'éléments dont on regrette la disparition, où on accuse la tradition révolutionnaire d'avoir un peu détruit ou gommé ça. Et de nombreux folkloristes s'inscrivent là-dedans, dont d'autres ont, au contraire, comme Charles Denain, l'auteur des Contes de buveurs de bière, appartiennent à une tendance beaucoup plus libérale, on va dire. Mais bon, voilà, cette première génération de folkloristes donc a quand même vient avec l'idée, ah ben tiens, c'est curieux ce passé, ces choses qui sont en train de disparaître, on va en faire un livre parce que c'est quand même pittoresque. Mm-hmm. Vers la fin du siècle, les folkloristes, on peut en parallèle avec la création de ce qui deviendra le musée des arts et traditions populaires beaucoup plus tard, donc au Trocadéro. Au Trocadéro, voilà. Là, on commence quand même à se dire, ben voilà, qu'est-ce qui reste, qu'est-ce qui subsiste, est-ce qu'il y a des choses qu'il faut préserver. Donc, c'est vraiment un mouvement en deux étapes. Jean-François Condette. Oui, je confirmais tout à fait. Bon, les travaux de Chantal Pétillon, par exemple, sur la création, le développement de la population de Roubaix au XIXe siècle, montrent tout à fait cette importance des Belges et des Flamands qui viennent travailler dans l'industrie textile. Et on retrouve encore assez souvent, je dirais fin XIXe, des migrations temporaires d'ouvriers flamands et aussi nord d'une partie du Nord vers la Somme et vers les grandes terres du bassin parisien pour aller récolter les betteraves. Enfin, il y a vraiment des migrations. C'est une terre de migration permanente au niveau du travail. Et pour revenir sur les questions de la langue, de la langue flamande, c'est vrai que Vichy adoptera un texte qui va vouloir développer les idiomes locaux une heure et demie par semaine. Et l'enquête que fait le recteur de l'Académie Lille, qui est bien embêté avec ça, parce que évidemment le contexte est très compliqué en 40-44. En particulier en zone interdite. Et tout ce qui va remonter systématiquement à Vichy, c'est nous n'avons plus de toute façon d'instituteurs capables d'enseigner le flamand. Bon, alors, c'est une réalité ou c'est pas une réalité? Mais on voit vraiment ce débat qui est quand même récurrent aussi sur la langue. Victor Massé de l'Épinay. Oui, je voudrais revenir un peu sur cette notion de folklore, puisque le texte de Berthoud que vient de nous lire Daniel Königsberg aurait pu en effet s'appliquer au Berry, au Morvan ou à toute région dont le climat est a priori plus hostile que dans certaines régions du sud de la France. Néanmoins, entre ces traditions qui disparaissent et celles qui sont peut-être cristallisées, il y en a qui apparaissent ou qui sont très souvent mise en avant pour le Nord, c'est les traditions des kermesses, des fanfares, de tout ce qu'on peut appeler à un moment la culture d'association. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu ce que c'est, Jean-François Condette, cette culture d'association, et pourquoi est-ce que c'est dans le Nord qu'elle a été presque cristallisée comme ça? Ah, c'est extrêmement, extrêmement important. C'est vrai que les archives départementales ou les archives nationales contiennent des volumes extraordinaires de dossiers sur les associations qui sont créées en Nord-Pas-de-Calais. Alors vous évoquez, nous on parle souvent des associations des colombophiles, les coulonneux, comme on dit en Nord-Pas-de-Calais. Il y a tout ce qui est orchestre, il y a tout ce qui est kermesse. Il y a une véritable volonté d'association et de célébration quelque part, rituel de se passer du Nord, de se retrouver aussi de temps en temps. Alors à expliquer, c'est pas forcément simple. Est-ce que c'est parce que le monde est dur et que le travail est extrêmement important qu'il y a des moments où quelque part il faut faire une parenthèse, un peu comme pour un carnaval, et puis souffler en faisant autre chose, en quelque part prenant du plaisir à d'autres choses. Je pense qu'il y a des éléments qui sont liés à ça. Et après, il y a aussi, qui remonte à... certainement à l'époque médiévale, ce souci du collectif, cette tradition quelque part de la vie collective qu'on retrouvait aussi dans les villes, en grande partie dans l'élaboration de franchises, tous ces éléments-là. Il y a ce souci du vivre ensemble qui me semble aussi important, je dirais culturellement, peut-être aussi politiquement. Et cette folklorisation, Benoît Mihail, elle est instrumentalisée. On sait combien ce 19e siècle, vous l'avez déjà noté avec cette après-révolution française, a été la cristallisation d'une identité, d'identité qui se voulait plus ouverte et d'identité qui se voulait plus fermée. On sait très bien combien il y a eu des instrumentalisations de ces identités régionales, en particulier pendant ce 19e siècle. C'est le cas. Et à partir de quand, vous avez cité tout à l'heure la naissance de ce comité des Flamands de France en 1851, ça n'est pas exactement, d'après ce que vous dites, vraiment au début quelque chose d'extrêmement identitaire. Ça le deviendra plus tard, mais ça n'est pas encore le cas. Le comité flamand de France vise vraiment, s'oriente vraiment sur la langue, sur ce patois flamand qui est considéré comme effectivement une partie de cette identité française, flamande de France, pardon. Petit à petit, vont un petit peu élargir à d'autres registres, mais bon, il y a d'autres associations, toutes les associations traditionnelles ou les associations qui sont liées à la préfecture, comme la commission historique, mm-hmm. qui se préoccupe du patrimoine un petit peu au sens large. Et donc, la France de la Troisième République se montre effectivement quand même défenseuse des identités régionales. Je voudrais prendre juste un exemple d'un peu plus polémique que ceux qui ont été précités, les combats de coqs. Mm-hmm. C'est un bon exemple, par exemple, parce que dans le Nord, ils sont autorisés, même encouragés, alors qu'en Belgique, flamande, c'est très fort combattu par le pouvoir central. C'est considéré comme quelque chose d'un peu barbare. En plus, ça génère des problèmes d'ordre public. Donc la gendarmerie a des consignes très claires que ça n'ait pas lieu. Alors ce sont les bourgmestres, donc les maires locaux qui défendent et qui font en sorte que ça ait quand même lieu. Mais donc voilà, du côté flamand, c'est pas belge, c'est pas du tout encouragé. Ouais. Alors qu'en France, on considère que ça fait partie du patrimoine. Encore aujourd'hui, je pense, c'est un certain degré de protection par rapport à ça. Maintenant, donc, les traditions folkloriques, comme je dis, vraiment, le lien avec le pouvoir, Paris, de toute façon, la France n'a pas attendu la Révolution pour être un État centralisé. Mmh. Le lien avec le niveau central est fort, et donc les expositions universelles vont jouer aussi un rôle important dans l'encouragement des études folkloriques. Vous avez à Paris, à la Sorbonne, il y a je sais plus comment ça s'appelle, l'association des sociétés savantes, ou enfin donc il y a une ces organisations qui est créée un petit peu contre la Société française d'archéologie, qui était jugée un peu trop trop à droite. Donc on va créer cette association où on invite des gens de toute la France qui viennent parler de c'est plutôt historique, mais bon, ça s'allergie quand même à tout ce qui fait l'identité régionale. Jean-François Condette. Oui, on a en Nord-Pas-de-Calais et en Flandre vraiment beaucoup de sociétés savantes qui vont se créer, locales, alors très très connues ou moins connues. Et ce qui est intéressant de voir, et il y a des revues qui existent encore aujourd'hui, comme la Revue du Nord par exemple, qui sont sûrement issues de justement. Ce qui est intéressant de voir, c'est que progressivement, à partir de François Guizot, en gros, il va y avoir une volonté quelque part aussi d'encadrer quelque part, que les travaux qui sortent de ces sociétés savantes soient de meilleure qualité. Et c'est là où les universitaires, à un moment ou à un autre, à partir du moment où il reviendra des universités en Nord-Pas-de-Calais, ils vont s'attacher à essayer d'entrer dans ces sociétés savantes pour améliorer la qualité des travaux. Et c'est tout à fait vrai, par exemple, vous signalez la Revue du Nord 1910, Alexandre de Saint-Léger, qui est une revue qui existe toujours et qui est la revue historique de référence, pour ce champ géographique-là. Mais vous avez aussi, par exemple, à la Faculté des Lettres de Lille, la création d'une chaire d'histoire de Lille et des provinces du nord de la France. Donc ça, c'est une chaire qui est créée en 1907. Il y avait déjà des travaux auparavant. Il y a même une chaire de langue et littérature picarde et wallonne. Oui, il faut rappeler d'ailleurs que cette université de Lille a eu beaucoup de mal à s'installer, qu'elle a fini par s'installer, qu'elle s'est développée grâce à la République, et en particulier à la Troisième République, et que Jules Ferry, lorsqu'il vient pour inaugurer la faculté de médecine en 1880, se fait huer par des catholiques du Nord qui considèrent qu'il est le représentant d'un pays centralisateur en particulier. C'est cela, Jean-François? Oui, alors l'histoire universitaire du Nord-Pas-de-Calais est extrêmement complexe, Il y a une première université, je dirais, moderne, à Douai, qui est fermée en 1793. Et le retour des facultés en Nord-Pas-de-Calais au 19e va être extrêmement complexe. Parce que Napoléon va créer des facultés des lettres et des sciences à Douai, il y a deux facultés. Mais dès 1815, elles sont fermées. Il y aura toute une période de désert, de table rase, quelque part, au niveau du Nord-Pas-de-Calais, au niveau des structures d'enseignement supérieur. Et c'est le pouvoir municipal qui, parfois, crée des cours municipaux de remplacement ou une école de médecine à Lille pour suppléer au manque, quelque part, de structures d'État. Et c'est après 1854 que les premières facultés vont vraiment réapparaître. Douai et Lille, avec ce combat entre les cités nordistes qui était extrêmement dur, qui reste encore des petites choses aujourd'hui. Et il y a vraiment cette volonté aussi de venir à Lille pour contrer l'université catholique qui apparaît en 1875. Vous avez raison au niveau du discours de Jules Ferry. Et il y a donc aussi cette exposition à Paris du Trocadéro, dans le musée du Trocadéro en 1895, dont Daniel Königsberg va nous lire la liste qui a été établie par le conservateur Landrin, une liste des objets qu'on peut trouver justement à propos de ces Flandres. C'est le comité flamand de France qui la donne en 1906, cette liste. Un moule à pain d'épices. 4 outils agricoles, 3 plats de faïence, 2 lampes en cuivre, 1 gourde en grès pour paysan, 2 fers à repasser, 2 pièges à animaux, affiches de combat de coq, éperons de coq combattant, affiches de concours de pinson, bâton pour concours de pinson, cage pour concours de pinson, arc et flèches, arbalète, but de concours d'archer, papegée d'argent, prix de concours d'arc, enseigne de société d'archer, jeu de boules roulette, jeu de boules variété, jeu de boules but, boule à lancer, tremplin pour lancer les boules, couteau pliant, calendrier de poche en bois gravé du 15e siècle, collier de cheval sculpté, éperon de cheval, image populaire, crémaillère à poilons, nid artificiel, jeu d'osselet en cuivre, louche armoriée en bois de la fête des louches, boucle d'oreille de Lille. Voilà pour cette liste établie par le conservateur Landrin de la section flamande du musée du Trocadéro à Paris en 1895. Victor Massé-Lépiné. Oui, on s'approche de la fin de l'émission et comme on parle de l'invention du Nord, d'ailleurs vous évoquez la Revue du Nord. L'invention du Nord, c'est le titre d'un numéro de la Revue du Nord auquel vous aviez tous les deux participé et qui est entièrement disponible en ligne. Donc j'invite nos auditeurs qui veulent s'y intéresser à aller le découvrir. Je voudrais quand même qu'on évoque ce mot et cette culture de ch'ti, puisque quand on parle aujourd'hui du Nord, on a cette superposition, la culture ch'ti. J'aimerais avoir votre avis à tous les deux. D'abord, peut-être que vous pouvez nous dire quand est-ce que ce mot a été inventé, quand est-ce que cette culture a été inventée ou s'est, là encore, cristallisée, et nous dire si être ch'ti, enfin, l'identité ch'ti et l'identité du Nord, c'est la même chose. Peut-être Benoît Miel, à votre avis? Ben, moi, j'aurais tendance à dire que non. Il y a un doctorat sur le comité flamand de France dont l'auteur a un peu ironisé sur le fait que le film Bienvenue chez les Ch'tis se passe à Berg, qui est vraiment au cœur de la Flandre flamingante, que donc on n'est pas du tout en pays ch'ti, qui est plus finalement la langue picarde. Donc, ce que ça illustre, c'est que finalement, les identités sont des inventions du 19e siècle, elles ont évolué et elles finissent par devenir un petit peu interchangeables, et donc c'est finalement un petit peu ça qui fait aussi la richesse d'un département. On pourrait comparer à la Bretagne, qui était aussi une région qui est extrêmement décentralisée, où chacun a ses propres traditions. Si chacun se contente de défendre ses propres traditions, c'est pas très enrichissant, tandis que si finalement une tradition d'une partie du département finit par représenter tout le département, je pense que c'est quelque chose de très positif, mais qui appartient vraiment au XXe siècle. Mmh. Et d'ailleurs, il a eu beaucoup de succès. Danny Boone est allé présenter ce qui ne présente pas comme la suite de Bienvenue chez les Ch'tis, mais qui s'appelle la Ch'ti de famille. Ce week-end, dans tout le nord de la France, il a fini à Dunkerque avec une fanfare dunkerquoise qui l'a accueilli dans le cinéma en question. Et le film sortira le 21 février dans les Hauts-de-France, d'abord, et ensuite le 28 février dans toute la France. Jean-François Condette, à propos de cette invention du terme de Ch'ti. Alors, l'époque réelle où le terme apparaît, c'est vrai que Alors, je crois que c'est dans les tranchées, en 14-18, c'est d'après ce que j'ai. Après la diffusion du terme auprès des populations, c'est vrai que ce serait des choses extrêmement intéressantes à travailler là-dessus que je ne connais pas. Après, je confirme tout à fait ce que disait le collègue, c'est-à-dire qu'il y a une récupération, une recomposition permanente de ce qu'on met derrière le ch'ti. Et c'est vrai que quelque part, Berg, c'est pas que le Nord-Pas-de-Calais, c'est pas tout le Nord-Pas-de-Calais, c'est ce que je disais tout à l'heure. Il y a des territoires extrêmement diversifiés, il y a des cultures aussi qui sont différentes. Et il y a aussi, je dirais, des grands pôles de recherche, il y a aussi des grands pôles d'art. C'est aussi ça, c'est Pasteur faisant ses recherches en 1854, c'est le CHR et toutes ces recherches, c'est une identité composite, multiple et en évolution constante. Et c'est vrai que le ch'ti tel qu'il est redécomposé là maintenant et qui va l'être, c'est quand même assez réducteur de oui, et puis il y a toute, spécificités. Il y a toute la culture ouvrière effectivement qui va avec. Oui, oui, c'est oui. Jules Guay, député en 1893. Oui. C'est le massacre de Fourmis. Enfin, puis c'est la première fois où on chante l'international. C'est dans cette région-là, etc., etc. Alors, il y a aussi, on a évoqué beaucoup cette question de la culture flamande et de cette idée d'une Flandre française. Eh bien, en janvier 1919, il y a un texte qui s'intitule « Flandre, souviens-toi de toi-même » qui est paru donc au cinquième numéro de la série « La Flandre prend la parole », publié donc en janvier 1919. Vous nous en lisez un extrait, Daniel Königsberg, qui sera commenté par Benoît Mihail. Comment la Flandre obtiendra-t-elle dans la République la considération et le rôle qu'elle mérite? Pour nous éclairer sur cette question, considérons d'abord trois faits qui caractérisent la condition de la Flandre par rapport au reste de la nation. Le premier de ces faits, nous l'avons amplement constaté, c'est que sa population est traitée par les pouvoirs publics et aussi par l'opinion générale comme une race inférieure. Le second, c'est que ce jugement est manifestement faux et injuste, ainsi que l'atteste un critérium infaillible, l'unanimité des résultats statistiques, lesquels proclament qu'avant la catastrophe de 1914, le peuple de Flandre était de tous les groupes nationaux celui qui soutenait le plus brillamment le prestige économique de la France contre toutes les concurrences étrangères, et même que, sans le développement superbe de la vitalité flamande, la France n'aurait guère opposé à ses concurrents que les forces défaillantes d'une nation en recul sur toute la ligne. Le troisième fait, c'est que, malgré l'éloquence des statistiques et malgré la certitude qu'ils étaient le coefficient majeur de la prospérité française, les Français du Nord n'en acquiesçaient pas moins au régime et à l'opinion qui les ont ravalés à la condition d'une race inférieure. Voilà, extrait de ce texte « Flandre, souviens-toi de toi-même » en janvier 1919. Vous avez suggéré de le lire, Benoît Mihail. Ce texte-là est intéressant parce que il montre bien combien la question de l'instrumentalisation de la culture flamande et de l'identité flamande va se durcir, en particulier pendant cette Première Guerre mondiale. Il faut rappeler que le nord de la France est occupé par l'Allemagne, ce dont peu de Français se souviennent à ce moment-là, mais également encore plus pendant la Seconde Guerre mondiale et l'entre-deux-guerres et la Seconde Guerre mondiale, Benoît Mihail. Oui, effectivement. Donc la guerre va, au moment de la guerre et de la reconstruction, on a vraiment tous les différents éléments du régionalisme qui reviennent, mais qui vont prendre une dimension supérieure suite au contexte. Donc le texte sur la liste des objets folkloriques illustrait déjà qu'à la fin du siècle, on élargit cette notion vraiment d'identité à des choses qui ne sont pas du tout historiques, mais qui sont vraiment les choses propres au peuple. Et le régionalisme, à la fin au tournant du siècle, prend une option raciale, c'est un peu réducteur, mais en tout cas beaucoup plus orienté vers le déterminisme tel qu'il est reformulé par Barrès et par une certain tradition bon racisme aussi peut-être. Voilà, tout à fait. Mais donc, ce qui est intéressant pour la reconstruction, c'est que d'une part, pour la France, cette optique un peu raciale n'est pas du tout incompatible avec le nationalisme français. Et d'autre part, qui fait que donc, le texte le montre, on souligne l'importance du Nord, on n'est jamais anti-français, on commence pas à critiquer l'appartenance à la France, on critique un certain centralisme ou une certaine dominance du Sud, on ne remet jamais en cause les moindres structures de l'État, enfin en tout cas de l'organisation centralisée, mais alors le régionalisme économique est intéressant effectivement dans le fait que le Nord est donc une région très riche, elle souffre beaucoup, donc c'est vrai que l'occupation est une occupation très difficile parce que le Nord étant au bord du front n'est pas du tout traité, il n'y a pas du tout des institutions publiques pour défendre les citoyens, donc il y a vraiment de nombreux abus de la part de l'occupant allemand, et après ça les gens du Nord n'ont pas vraiment le sentiment qu'ils sont compris et qu'ils sont écoutés, et les industriels du Nord ont cette chance entre guillemets qu'à Paris il y a un régionalisme assez économique assez fort qui se développe, la loi Loucheur qui va permettre aux gens de reconstruire leur maison s'inscrit dans ce qui va donner la naissance aux régions d'ailleurs en France après la guerre, dans une optique de finalement que le régionalisme des petites patries, on peut lui donner une dimension socio-économique dans une France nouvelle. Brièvement, Jean-François Condette, pour conclure. Oui, non, j'insiste simplement sur le fait que le choc de 14-18 pour le Nord-Pas-de-Calais, pour la France du Nord, est fondamental. Parce que les trois quarts du département du Nord vont être occupés. Ça va être une occupation qui va être extrêmement, extrêmement dure, avec des déplacements de population, avec pratiquement la famine à Lille. Enfin bon, il y a réellement une occupation extrêmement dure. Et que cette occupation de 1914-1918 jouera un rôle fondamental dans les souvenirs, quelque part, des habitants. Quand on explique le positionnement, quelque part, des nordistes en 40-44, l'importance de la résistance précoce, etc., etc., il y a réellement l'anglophilie, enfin, tous ces éléments-là, il y a vraiment là la terre carrefour, la terre de combat qui ressort avec l'attachement à la France et quelque part à une France libre. Merci beaucoup à tous les deux. Merci à vous, Jean-François Condette. Vous avez travaillé sur les milieux de l'éducation et de l'enseignement et les milieux universitaires dans l'ensemble de la France, mais aussi sur certains articles de la Revue du Nord plus spécialisés sur le Nord. Et puis ensuite, vous avez travaillé justement sur cet impact des deux guerres mondiales sur cette région du Nord dont vous venez de parler. Benoît Miaille, je rappelle que vous êtes spécialiste de cette question du mouvement flamand et en particulier de ce mouvement flamand de France dont on a beaucoup parlé dans cette émission. Demain, on reviendra sur les Flandres avant qu'elles ne soient françaises et on conclura cette série sur le Nord et le Pas-de-Calais, sur ce Nord de France, justement, sur ce thème. Merci à Daniel Koenigsberg qui a lu pour nous les textes qui avaient été choisis par nos invités. Merci aussi à Francesca Fossati et à Aurélie Marseille qui ont préparé cette émission comme tous les jours, à Yanis Djoudad qui était aujourd'hui à la technique et à Anne Fleury à la réalisation. N'hésitez pas à aller sur le site internet de France Culture, franceculture.fr, à la page de La Fabrique de l'Histoire pour réagir à cette émission ou à toutes les autres, ainsi que sur le groupe Facebook des Amis de La Fabrique de l'Histoire. Vous avez été très nombreux et avec raison à réagir au documentaire d'hier sur Mamadou Ndiaye. Allez, si vous n'avez pas eu l'occasion de l'écouter, allez l'écouter sur France Culture.